Dans les années 70, pour la première fois, les prostituées vont faire leur apparition dans le débat public et incarner leur propre voix. Certaines s'élèveront alors contre la fermeture des maisons closes. Toutes demanderont la reconnaissance sociale et administrative d'un métier qui dérange. Marthe Richard, elle, restera celle qui a donné son nom à la loi. Une femme controversée qui fait de sa vie un roman, tout en luttant à sa façon contre l'asservissement des femmes. Au 56, 7, 8, peu importe, de la rue X, si vous frappez à la porte, d'abord un coup, puis trois autres, on vous laisse entrer. Seul, et parfois même accompagné. Une servante, sans vous dire un mot, vous précède. Des escaliers, des couloirs sans fin se succèdent. Décorés de bronze baroque, d'anges dorés, d'Aphrodite et de Salomé. S'il est libre, dites que vous voulez le 44. C'est la chambre qu'ils appellent ici de Cléopâtre, dont les colonnes du lit de style des nègres portant des flambeaux. Entre ces esclaves nus, taillés dans l'ébène, qui seront les témoins muets de cette scène, tandis que là-haut, un miroir nous réfléchit. Lentement, j'enlace mélodie. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Marthe Richard et la fermeture des maisons closes. Notre invité, Thierry Schaffhauser, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du syndicat du travail sexuel ou des travailleurs sexuels qui s'appelle le STRAS. Vous pouvez nous dire deux, trois mots déjà du STRAS, de votre mission, de vos succès, de vos échecs? Oui, bah on existe depuis 2009. On regroupe tous les travailleurs du sexe, quels que soient les secteurs d'activité, hein, puisque maintenant les industries du sexe au sens large sont très diverses. On a beaucoup d'actions, de soutien au niveau juridique, de conseils. On a un programme contre les violences avec des cours d'autodéfense. On a des permanences syndicales pour conseiller, pour aider. On fait aussi du plaidoyer, hein, évidemment, sur tout ce qui est loi. C'est vraiment la défense des intérêts au sens large. Donc au niveau des succès, il y a eu l'abrogation du délit de racolage, hein, quand même. Même si ça a été remplacé par la pénalisation des clients. Après, je pense qu'on a des succès aussi plutôt au niveau judiciaire, puisqu'on a quand même réussi à gagner plusieurs procès. Alors déjà, en accompagnant les victimes, puisqu'on se porte partie civile. Sur tout ce qui est procès contre les violences, l'exploitation, etc. Et puis quand je parlais d'échecs, même si c'est vous n'avez aucune responsabilité là-dedans évidemment, mais quand on voit qu'une prostituée, on a retrouvé encore une prostituée assassinée dans le bois de Boulogne cet été, c'est un échec de la société, hein, c'est pas votre échec, c'est finalement notre échec à tous. Ça n'aurait pas arrivé dans un pays civilisé, mais enfin, qu'est-ce qu'on peut faire quand même, qu'est-ce que ça provoque chez vous comme réflexion quand une prostituée est assassinée? Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah oui, c'est un sentiment d'échec. Je pense que c'est un sentiment d'échec parce qu'en fait, oui, je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait faire. Je pense que la question de la sécurité, des conditions de travail, elle n'est jamais abordée parce que les pouvoirs publics ne s'intéressent que à l'arrêt du travail sexuel, donc ce qu'ils appellent la sortie de la prostitution. Et le problème, c'est que en essayant d'empêcher l'exercice du travail sexuel, ben en fait, on le rend dangereux et on force les gens à travailler dans des conditions insécurisées. Et oui, le problème, les violences aujourd'hui, c'est un réel problème dans l'industrie du sexe et dans tous les secteurs d'ailleurs, hein, parce que même si évidemment dans le travail de rue ou les femmes migrantes, les femmes trans sont les plus ciblées, en réalité, je pense que le fait que la plupart d'entre nous, on ne peut pas porter plainte, les rapports avec la police sont assez mauvais, il n'y a pas de confiance avec la police, plus les discriminations, plus le stigma, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui font que on est obligé de travailler dans des conditions insécurisées. Mais est-ce que la réponse, pour vous, pour le Stras, face à cette insécurité, c'est de rouvrir les maisons closes? Alors je sais que les Français sont très nostalgiques des maisons closes. Vous ne pouviez pas échapper à la question. Hein. Oui, non, je viens pour ça. c'est le sujet. Je pense que l'enjeu, en fait, c'est pouvoir travailler en intérieur, pouvoir travailler à plusieurs, effectivement, pour des raisons de sécurité. Maintenant, comme l'a très bien montré vos différents reportages, les maisons closes telles qu'elles ont existé, c'était quand même un système de contrôle social, de domination, avec une carte spécifique, enfin des contrôles spécifiques, et qui en fait n'avait pas pour but d'améliorer les conditions de travail des personnes, hein, mais vraiment de réglementer, d'essayer de contrôler les maladies et encore pas vraiment efficacement puisque ça servait surtout à exclure les personnes qui étaient porteuses de maladies vénériennes. Aujourd'hui, je pense qu'on peut pas souhaiter un retour en arrière d'avant-guerre et un système de maison close tel qu'il a existé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est plutôt comment on peut améliorer les conditions de travail, effectivement, avec la question de pouvoir travailler dans un établissement. Voilà. Mais après, là, je pense que un des enjeux, c'est aussi comment on travaille avec qui et pour qui. La grande majorité des travailleurs du sexe en France ne veulent pas travailler pour un patron, pour un propriétaire. Une structure. Oui. Oui. Donc nous, ce qu'on revendique beaucoup, c'est le fait de pouvoir travailler en coopérative, par exemple, ou de comme des cabinets d'avocats ou de médecins, donc pouvoir s'organiser entre nous. Mais travailler pour quelqu'un à qui on va remettre un pourcentage de ses revenus, qui va nous dire bon, là tu peux pas refuser tel client, tu dois faire telle ou telle pratique. Bon, non, on veut conserver la liberté, le choix de ces pratiques. Est-ce que les prostituées, ont la liberté et le choix? Est-ce qu'on pas des proxénètes sur le dos? Mais le but c'est de lutter un établissement, encore pire. Le but c'est justement de lutter contre. Donc on va pas légiférer pour permettre un système contre lequel on est. Je sais que bon, dans certains pays, c'est vrai que c'est très français. Hein, si on regarde le mouvement international dans les pays anglo-saxons, ça pose beaucoup moins, ça fait beaucoup moins débat. C'est beaucoup plus accepté le fait qu'on puisse travailler pour une agence d'escorte, être salarié, etc. C'est vrai qu'en France, alors c'est peut-être le mot, puisque maison close en anglais par exemple, on va pas dire closed house, on va dire brothel. Donc ça renvoie quand même à quelque chose aussi, à une histoire et à une oppression particulière. Et puis je pense aussi peut-être que traditionnellement c'est vrai qu'on veut pas travailler pour des patrons. Après le problème c'est que je pense que oui, le salariat il existe quand même, même si aujourd'hui il est légal, il est caché, il existe dans des bars à hôtesses, dans des salons de massage, ce genre d'établissement. Et même si en principe, c'est pas un modèle qu'on défend, c'est quand même des formes de travail qui existent, et la meilleure protection pour les salariés aujourd'hui, c'est quand même le droit du travail. Donc du coup, même si c'est pas quelque chose qu'on promeut pas, le salariat, en même temps, le statut de salarié, il est quand même beaucoup plus protecteur que le statut d'auto-entrepreneur, qui est le seul légal aujourd'hui pour nous. Hein. Alors, on aurait presque oublié quelque chose, mais on a fait semblant d'oublier. Évidemment, on n'a pas oublié l'essentiel. Aujourd'hui, quand on discute, ce sont les nouvelles formes de prostitution entre Marthe Richard. Et aujourd'hui, il y a quelque chose au milieu qui s'appelle téléphone, internet, numérique. Allô? Oui, allô, bonjour. J'ai trouvé votre annonce sur Internet. Sur quel site ? Sur Viva Street. Oui, donc la demi-heure c'est 100, l'heure c'est 200, je fais tout sauf la pseudo et je suis à Porte de Saint-Cloud dans le 16e. C'est-à-dire quelles sont vos pratiques exactement ? Tout sauf la pseudo. D'accord. Je me sens à partir de 18h. C'est pour un service d'escorte en fait. Bah oui, vous appelez pourquoi ? Non, mais comme c'était pas forcément spécifié sur l'affiche, je me demandais. Ah ok. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. Annelle Verzo, vous êtes notre reporter, bonjour. Bonjour. Vous êtes allée puiser dans le travail de notre maison, hein, oui, simplement. Complètement. Je suis allée voir Laetitia Chérel, qui est notre consoeur, qui travaille à l'émission Secret d'Info, et donc qui a diffusé, c'est un extrait de son enquête qu'on vient d'entendre, une enquête diffusée le 17 novembre 2016 sur France Inter. Alors, on a bien entendu, hein, l'homme qui appelle la prostituée précise qu'il est passé par Viva Street pour la trouver. Enfin, Viva Street, c'est pas un site d'annonce du genre Le Bon Coin? Absolument. En fait, Viva Street masquait la prostitution qui passait par son site derrière ces petites annonces de rencontres, les massages. C'est interdit, mais fréquent sur Internet, et ça rapporte gros. La prostitution par le biais d'Internet représenterait au moins 540 millions d'euros par an, soit plus de la moitié de ce que rapporte l'ensemble de la prostitution en France. Bon, alors évidemment, dans ces conditions, il existe d'autres sites Internet, par ici la bonne affaire, qui servent de sites de rencontres entre prostituées et clients. Secret d'Info, donc l'émission de France Inter, s'était intéressée tout particulièrement à Viva Street, donc le deuxième site de petite annonce en France en termes d'audience, juste derrière Le Bon Coin. On écoute Laetitia Chérel de Secret d'Info. 30 millions de visiteurs par an. C'est un site donc fondé par un Français, Yannick Pons, qui a été classé 465e fortune de France en 2011. Donc Viva Street fait un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros. Hein. Le Viva Street se porte bien. Je précise aussi que la maison mère est basée dans le paradis fiscal de Jersey. Ça peut aider. Donc effectivement, moi en fait j'ai été contactée en 2016 par les parents d'une fille mineure, d'une jeune fille, qui leur avait dit qu'elle avait posté une petite annonce de prostitution sur le site de Viva Street. Elle disait j'ai 19 ans, je fais des massages et je me déplace. Et ça c'était le code, faire des massages et se déplacer pour dire qu'on se prostituait. Elle leur a montré son annonce. Alors vous allez entendre maintenant le père de cette très jeune femme à 14 ans quand elle poste son annonce. Elle nous a dit qu'elle avait rencontré donc une escort girl dans un bar à Chicha, donc où elle tenait des liasses de billets en lui disant c'est facile, tu verras, viens, on danse, on s'amuse et puis on gagne beaucoup d'argent. Et elle m'a clairement dit effectivement qu'elle se prostituait. Elle m'a montré l'annonce sur Viva Street. Hein, elle annonce qu'elle a 20 ans, mais en fait c'est bien ma fille qui avait donc 14 ans le jour où les photos ont été prises. Donc effectivement, là, aujourd'hui, je me dis, il faut peut-être en parler dans les médias pour que ça n'arrive pas à d'autres. Et les parents de cette très jeune femme ont porté plainte contre Viva Street avec l'appui du NI, une association qui milite pour l'abolition de la prostitution. C'est une plainte qui a porté ses fruits, puisqu'une enquête préliminaire a été ouverte en février 2017. Alors, le 30 mai de cette année, une information judiciaire a été ouverte pour proxénétisme aggravé, et le site Viva Street a alors peut-être temporairement fermé sa rubrique rencontre. Alors, il y a une question quand même qu'on a envie de vous poser, c'est que fait la police ? Qu'a fait la police pour Viva Street ? Pourquoi est-ce que la police n'est pas intervenue plus tôt ? Alors en fait, j'avais posé la question à l'Office de lutte contre la traite des êtres humains et ils m'avaient répondu qu'ils ont d'abord peu de moyens humains et que ces moyens humains, ils essayent de les concentrer sur la lutte contre les réseaux, les gros réseaux. Et puis, j'ai trouvé une note qui date de 2016 dans laquelle ce même patron de l'Office de lutte contre la traite des êtres humains atteste que le site de Viva Street collabore en fait depuis plusieurs années, hein, c'est écrit comme ça, de manière proactive avec les services de police, en leur fournissant des informations sur des annonces passées sur son site internet. Donc on peut comprendre que Viva Street pourrait être une sorte d'indic en fait de la police et fait même des formations, faisait des formations auprès des services de police. Il leur expliquait par exemple comment utiliser les traces laissées par les cartes de crédit sur son site. Alors on s'était demandé à l'époque si l'Office de lutte contre la traite des êtres humains était vraiment le mieux placé pour enquêter sur Viva Street. Alors j'imagine qu'il y a d'autres sites maintenant qui peuvent servir d'indic, une sorte d'indic pour la police. Alors ça, les indics, c'est une vieille pratique dans la police. Moi, ça, je ne peux pas le savoir. Il y a toujours eu des indics. Est-ce que ça peut être pour les sites une façon d'obtenir la poursuite de certaines activités? Ça, je ne peux pas vous le dire. Bon, Annaëlle, vous étiez à la marche blanche pour Vanessa Campos, samedi après-midi, hein, place de la République à Paris, et vous avez rencontré Anaïs, une travailleuse du sexe qu'on va entendre. Justicia por Vanessa! Anaïs, ça fait combien de temps que vous êtes travailleuse du sexe? Cette année, ça fait 7 ans que je suis travailleuse du sexe. Comment est-ce qu'on fait pour vous trouver? Alors, quand je suis en France, je travaille principalement par le biais des sites internet. Donc, j'ai des annonces sur internet qui permettent aux gens de me trouver et ils prennent rendez-vous en me téléphonant. Et quand je pars en Suisse, par exemple, ou dans les pays limitrophes, je travaille en salon. Donc, les gens peuvent me trouver sur internet ou venir directement au salon. Où est-ce que vous allez, du coup, maintenant qu'il n'y a plus Viva Street? Alors, depuis que les sites français ont fermé, donc Viva Street ainsi que Wannonce, certaines sont retournées travailler dans la rue alors qu'elles ne sont pas forcément habituées à travailler dans la rue, qu'elles n'ont pas forcément les codes de la rue et du coup ça les met en danger. Et d'autres en fait se sont tournées vers d'autres sites internet qui sont hébergés à l'étranger, qui donc ne risquent pas la fermeture mais qui par contre sont beaucoup plus chers. Ce qui veut dire que tout le monde ne peut pas accéder aux annonces sur ce site. Ce qui fait que ça marginalise encore plus les travailleuses du sexe qui étaient déjà en difficulté en fait. Anaïs, vous avez été agressée par quelqu'un qui vous a rencontré par Internet? Oui, tout à fait. C'est une personne qui m'a téléphoné pour prendre un rendez-vous. Et en fait, cette personne est venue uniquement pour me braquer. Il est arrivé... Pour vous braquer? En fait, il est vraiment venu dans cette intention-là. Ce n'était pas du tout un client, c'était vraiment un agresseur. Il est rentré, il a sorti un couteau, il m'a demandé mon argent. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, j'avais pas d'argent. Donc, il a voulu fouiller l'appartement. Il a constaté que j'avais pas d'argent. Il m'a dit à ce moment-là, je ne serais pas venue pour rien, il a voulu me forcer à un rapport non protégé. Je me suis défendue et donc il m'a tabassée. Il m'a frappée assez violemment, j'ai une fracture. Alors là, ça ne se voit plus parce que ça fait déjà un peu plus d'un mois. Mais oui, j'ai une fracture, j'avais des bleus. Au visage? Oui. Est-ce que vous avez porté plainte contre cet homme qui vous a agressé? Alors pour le moment, je n'ai pas déposé plainte pour une raison assez simple, c'est que la loi sur le proxénétisme me met dans une situation délicate. Si je décide d'aller déposer plainte, il y a de fortes chances pour que, lors de l'enquête, en fait, mon bailleur soit prévenu de l'activité que je fais et auquel cas il n'aura pas d'autre choix que de me mettre dehors. Parce que s'il décide de me laisser dans le logement, il sera poursuivi pour proxénétisme, alors qu'il n'est pas du tout au courant de mon activité. Voilà, merci en tout cas Annaëlle Verzo pour cette enquête. Thierry Schaffhauser, alors on dit que pas mal de métiers disent qu'ils sont à la croisée des chemins parce que Internet a changé le métier. Alors s'il y en a un qui a vraiment été impacté par Internet et par des nouvelles méthodes, c'est bien celui de la prostitution. Quel est votre regard sur tout ce que vous venez d'entendre? Qu'est-ce qui vous interpelle? Bah, par exemple, le fait qu'on ait fait fermer, que par exemple Wannonce et Viva Street ont fermé leur page rencontre, ça a créé des vrais dégâts. Ça a créé des vrais dégâts dans la communauté. Beaucoup de personnes se plaignent de ça. Je pense que c'est pas la bonne solution parce que, comme l'a montré Anaïs, hein, en réalité, ça génère encore plus d'exploitation. C'est-à-dire que les sites qui restent, ils en profitent pour faire payer plus. Ou alors, vos annonces vont être censurées et vous allez être obligé de repasser d'autres annonces avec d'autres mots codés, ce qui fait que vous allez devoir repayer. Parce qu'on vous rembourse jamais hein, quand on vous supprime votre annonce. Donc, c'est un phénomène qui est de plus en plus mondial. Aux États-Unis, l'administration Trump a fait voter deux lois, CESTA et FOSTA, donc qui visent aussi à faire fermer tous les sites Internet. Alors, pas que d'annonces, aussi des blogs, d'escorte, ou enfin tout support en ligne qui peut faciliter la prostitution, donc selon le terme de la loi. Et je pense que même au niveau de la lutte contre l'exploitation ou l'exploitation des mineurs ou en général le travail forcé, je pense que c'est contre-productif parce que Backpage aux États-Unis comme Viva Street en France, effectivement, fournissait des informations à la police pour essayer d'identifier les cas où il y avait du soupçon effectivement d'exploitation de mineurs ou ou d'adultes. Même si c'est pas parfait, parce qu'on l'a vu, hein, effectivement, il y a eu ce cas-là d'une adolescente de 14 ans qui a quand même passé une annonce. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça va être une situation encore pire, puisqu'aujourd'hui, les jeunes, ils vont aller sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et ils vont être mélangés sur d'autres supports, où là, je vois pas comment on va réussir à les identifier, quoi. Oui, mais là, en plus, il y a tromperie. Enfin, Viva Street, pour le public qui va sur Viva Street, c'est pour tout à fait autre chose. Il y a aussi cette dimension tromperie. Qu'on peut pas difficilement acceptable. Parce que s'il y a une page clairement identifiée rencontre escorting ou bon là c'est clair, mais aujourd'hui on n'est plus dans cette clarté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui vont aller sur des sites de rencontres et du coup ça crée un mélange des genres. Alors d'un côté il va y avoir des gens qui vont essayer de nous censurer, qui vont se plaindre parce qu'on est sur voilà, et de l'autre côté je pense que ça va aussi inciter peut-être des personnes qui sont pas professionnelles, qui vont se dire ah bah c'est simple, c'est comme ça que ça se fait, et qui en fait vont pas avoir les codes pour se défendre. Merci en tout cas infiniment Thierry Schaffhauser d'être venu nous apporter vos éclairages et votre témoignage. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Marc Richard, la fin des maisons closes, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Et merci à Roland Mahé qui était à la technique aujourd'hui.